إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Chers frères et sœurs, comme nous pouvons mouhtar l'indier auparavant, au fait d'aujourd'hui, nous pouvons trouver dans nos leçons continuelles, le semaine, Inch'Allah, nous continue, tout en pensant qu'au fait de nous finir gain, ça m'a y être là pour nous faire un janaza, mais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin décidé, ce n'est qu'à cela qu'ils ont pu aller. Donc, pour nous, aujourd'hui, pour quelques minutes, nous faire un rappel. Nous dire bien pour quelques minutes, ensuite, quand nous terminons, pour Ban Miché surtout, nous vous essayer de rentrer en contact avec parmi Ban Frère qui est avec Imam, Vedia Fezal, nous vous souhaiter quand il est arrivé, nous faire autre connaître. Parce qu'il nous connaît, capable parmi nous, il a une responsabilité, etc. Mais seulement toujours pour Mokhtar Indir, maintenant Imam est tout seul, dit là, donc tant que nous sommes capables au maximum soutenir lui, nous manque nos présences. Chers frères et sœurs, rappel qu'il faut avec nous pour quelques minutes, Inch'Allah, c'est nous prendre l'eau à l'occasion la même. Première chose qui vient avec nous, c'est un de bons points qui, sans aucun doute, nous désaconnit. Quand nous dit nous désaconnit, connaît veut dire ilm. Ilm, la connaissance. Nous désaconnit avec certitude. Nous désaconnit. Ça va connaître vos mots. Nous désaconnit. Mais seulement, en même temps, nous connaît qui la mot pénala. Ça aussi nous connaît. Deuxième petite chose qui arrive nous, c'est quoi? C'est qu'il a actuellement, nous peut trouver, quand nous apprenons, nous connaissons Rilm, certitude yakin. C'est ça même qu'il appelle Rilm ou yakin. Nous avons certitude là-dedans. Mais là, si nous guettons nos situations, nous venons la deuxième étape. Deuxième étape, c'est quoi? Nous peut trouver devant nous qui un enfant et mot. C'est ça qu'il appelle Rilm ou yakin. Rilm veut dire l'IG. Rien veut dire léger. Ça, c'est la deuxième étape plus faux concernant la certitude. C'est la deuxième étape plus faux concernant la certitude. La certitude, chers frères et sœurs, elle quitte chose banale, moi, ok, je comprends, je connais. Je connais ni comme ça. Ça, c'est la connaissance. Deuxième étape qui vient, faudrait la personne lui arriver, gagner l'occasion, lui trouver avec ce léger. Est-ce que ça veut dire qu'il premier là, il pas t'y croit? Non, il t'y croit, lui. Il t'y croit. Mais seulement quand il témoigne avec ce léger, ça plie renforce, lui. L'exemple, c'est nous guettons dans Sourate, Sourate al-Baqarah, « Wa idqala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhil mawta » Quand Ibrahim, a.s. dit, « Oh, mon Rabbi, fais-moi trouver, comment tu fais-moi le mot relevé ?»« Qala awalam tu'min » Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Oh, Ibrahim, mais tu ne crois pas ?»« Qala bala » Walakin liyatma inna qalbi. Certainement. Mais seulement pour moléquier gagne tranquillité. Pour moléquier gagne tranquillité. Oui, chers frères. Parfois, il y a quelque chose, même nous entendons, nous comprenons, mais seulement voilà, nous avons un coup d'eau. Mais tu ne peux pas croire, c'est même une question pas croire là. Ce n'est pas une question pas croire. Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il y connaît en dans Ibrahim alayhi salam qui est là. Mais il dit awalam tu'min, tu ne pas croire au Ibrahim. Qu'il dit, voilà, certainement, voilà qu'il, mais seulement, il y a ton inna qalbi, pour moi, qui a une tranquillité. Dès là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné pour lui prendre quatre oiseaux, lui coupe les autres, lui coupe. C'est tout, lui coupe les autres, pièce par pièce. Lui met les autres dans différents plats, le quatre montagnes, différents plats. Ensuite, il dit, oh Allah, après, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai dit, appelle les autres. Yatina kasaria. Saria, Saria, connaît qui veut dire Sari, sa femme à roi. Saria veut dire vite, avec la vitesse. Yatina Kasaria, comment Ibrahim a crié, comment on a venu. Un bout là, un bout là, un bout là, un bout là. Ça gagne le temps de revenir vers lui. Et ben on arrive à la vie. Juste pour, un chef frère, nous fait la différence entre Ilmul yaqin, c'est quoi? C'est quelque chose qui m'entendait, m'en comprend. Ok, je connais les comme ça. Ilmul yaqin, c'est comme où? C'est comme on trouve lui. Quand nous guettons sa situation qui est avec nous là, pour chacun parmi nous, les vins en de bonnes leçons, de quelle façon? En, m'en comprend vraiment. L'amour là, ça quelque chose là, vraiment, il fait dans l'âge. Il pas comment dire une fourchette là, entre 55, 60, 65 ans. Il n'y a rien qui dit ça. Puis il n'y a rien qui dit ça. Deuxième question, chers frères et sœurs, tous les temps, nous prenons les dents. Ça qui Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, pas mettre l'émotion là-dedans. Pas mettre l'émotion là-dedans. Dans ça qui Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Parce que nous, quand nous décidons de nous l'avantage. Nous décidons de quelque chose qui peut venir facile pour nous. Nous décidons tout ce qui vient pour nous. Mais seulement lui, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse sans limite, lui pour décider pour du bien de tout. Quand nous pouvons décider, c'est ça même qui nous gagne à la fin sur le taqwir, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ma tasha'ouna illa an yasha Allah » Tu vas oublier non, excepté ça qui, lui Allah subhanahu wa ta'ala lui oublier. Chers frères, si nous calculons, nous prenons l'imam Imam Sab, ce premier enfant, hein, parce que ce premier enfant qui n'arrive. Qui la loi d'Ine qui dit, quand un premier enfant vient, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas gagné droit où il ramasse ses enfants. C'est ça qui dit ça. Là, nous faisons solide là. Ça qui vient de croyance, l'eau croyance en personne. C'est quoi? C'est qu'il nous parle de l'émotion là, domine nous en dents. Nous accepter ça qui Allah subhanahu wa ta'ala fin décidé. L'acceptation, chers frères et sœurs, n'est pas de dire qu'un dimoun n'est pas un droit triste. N'est pas de dire qu'un dimoun n'est pas un droit sagrin. Non, non, non. L'acceptation, c'est quoi? C'est qu'ils m'ont accepté, ils ne m'ont pas dit non, rien. Qui? À l'encontre de sa action qui vient pour en place là. Par exemple, si moi tu connais, si moi passe, fais attention là. L'acceptation d'une action qu'on prend en place, chers frères et sœurs, il n'y a pas de dire qu'il dit mon nom, il n'y a pas un droit triste. Le contraire. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut entrer sur ce garçon, Ibrahim. Quand son homme peut couler, un sahaba de l'Iyya Rasulallah, anta? Oh, messager d'Allah, toi, tu peux pleurer, tu peux entrer deux enfants. Chers frères et sœurs, au fait que nous guettons, nous avons trouvé simple parce que nous faisons amener. Il est plus facile. Nous enterrons nos mamans, papa, qui nous enterrons nos propres enfants. Le plus facile, nous enterrons nos mamans, papa, qui nous enterrons nos propres enfants. Ça vous fait de qui va nous passer à l'os. De qui va nous passer. Et qui a des enfants? Un enfant qui, quand il est entier, qu'il est malade, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, après Maghrib de Madina, il y allait. Il y a le désir. Moi, je suis arabe, je suis un homme, je suis un homme, je suis un désir. Comme a dit même Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il vient grandir. Il y a allé, il y a ce garçon, il retourne. Il y a allé. Tous les jours, il y a ce garçon, quand ce garçon est malade. C'est ce qui arrive le jour, quand il y a là-bas, il trouve toute une sortie de haut. Il connaît ce garçon, beau. Il fait entendre ce garçon, son homme peut couler. Ça, ça va, j'ai dit, toi, il y a Rasoul sallallahu. Et j'ai dit, c'est pitié qu'il y a l'un de l'équipe, ça. C'est pitié qu'Allah mette dans l'équerre. L'homme n'est coulé. Mais seulement nous pas dire non ni, excepté ça qui fait Allah plaisir. Donc, chers frères et sœurs, demain, quand arrive nous une situation, nous avons envie de pleurer, pleurer. Mais seulement pas dire si motivé à ça, ça qui est grave là. Pleurer à aucun moment dans une situation difficile, pas montrer qu'il dit mon assaut iman faible. Jamais ça. Jamais ça. Il a dit, il est imam qui pleure. Pourtant, il n'y a pas de cause patience. Mais ça qui dit où de patience, fait l'homme couler ça. Ça qui dit où ça. Troisième étape qui vient dans une situation pareille, pour nous, chers frères et sœurs, parce qu'il nous a déjà dit, il n'y a aucun doute. Un pays n'est pas bougé excepté pour la permission d'Allah. Ces enfants-là sont ruins, sont outils. Ça qui nous laisse ça. Combien parmi nous, il faudrait nous rendre dans ma vie, dire, ah, yo, imam, après qu'il nous a une nouvelle, mais Allah, depuis quand on s'est dit. Chacun décide ça. Chers frères et sœurs, comment nous finir dire, faudrait situation là fin arriver, Allah subhanahu wa ta'ala li oulé, qui nous tient ban leçon là-dedans. Troisième parmi ban façon, chers frères et sœurs, qui nous capable profite nous-mêmes, c'est qui était, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, peine à une personne qui quitte sa dunya là, excepté ce dernier, vous s'est mangé, qui n'écrit à folie, il ne prend l'inale. Ce dernier vous s'est mangé, qui n'écrit pour lui, il ne prend ça l'inale. Mais j'ai même dit, restez que lui manger. Il en a mangé, va. Il en a eu mangé. Elle comprend ça, l'os. Essayez de faire moi comprendre ça. Védier ses enfants là, ses enfants là, quand il était là, même où il y a lui comme ça, encore une semaine, et n'a dit pour lui voir là, il n'a pas qu'elle n'a pas écrit non, il pour lui faire. Elle n'a pas écrit non, il pour lui faire. Il reste comme ça, non? Et dans la certitude, chers frères et sœurs, l'inmode d'accident, l'inmode bien grand matin, comment il arrive, l'inmode pas qu'il soit une tombe l'eau, l'inmode pas n'importe quoi, connaît sa dimouna, comment nous gagne ce nouvel l'amour, grand matin, ce dernier tasse qu'il nous prend là, c'était quoi ça? Dernier manger qui n'écrit pour l'idolâtrie. Ça faudrait venir devant nous en premier. Laisse l'homme là couler où? Mais seulement sa compréhension là, l'ibisène là devant moi. Wallah, bé. Ni fini de manger. Pas de café non, hein? Pas de café non, ni. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cause avec ce cousin, Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit, wa'alam, connais avec toute certitude, ma akhta'aka, lam yakun li yusiba, quelque chose qui ne rate toi, jamais tu écris pour gagner toi. Wama asobak, lam yakun ni yurtiak. Quelque chose qui te fait gagner, jamais n'écrit pour toi. Et ça bien donne. Quelque chose qui n'arrive, moi, chers frères et sœurs, jamais tu pourras comment ça. Qui n'écrit pour moi-même ça. Pas dire si moi tu sautes un petit guide bonheur, ou bien si moi tu t'as ordé, non, tu peux gagner toi, n'importe quelle façon. Quelque chose qui ne rate moi, pas venir dire et grammaire. Si tu non, non, non, jamais tu écris pour toi, hein. Pas fatigue-toi. Pas fatigue-toi, simple. Chers frères et sœurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, connais quelque chose qui ne gagne toi, jamais tu écris pour toi. Moi, je quitte le pays, moi, je vais donner un pot qui place. Mais si vous voulez moi, oui, non. Quelque chose qui ne rate moi, même moi, je en Bali, il me donne le moi, il me rate moi, parce que je n'écris pour moi ça. Pas n'écrire pour moi ça. Ça, c'est le troisième petit chose, chers frères et sœurs, qui visait bien. Solide pendant nous, à n'importe quelle situation. Pas venir dire, écramer. Dis-moi, non, non, non, vous ne pouvez pas n'écrire moi, bah, sourire. Comment tu connais ça, Béni? Rate-moi. Trop simple pour comprendre ça. Non, tu connais, moi, je ne connais rien, c'est. Parce que ça qui me connaît, mon prophète, il me finit, dis-moi, qui chose qui ne rate moi, pas n'écrire pour gagner moi. Et qui chose qui ne gagne moi, pas n'écrire pour rate moi. Donc, mon situation, aujourd'hui, ça traque à qui est dans mon la tête là. Faire comment dire, de travail, il n'arrive ça dans mon amène l'autique. Si vous dites, si vous connaissez, moi, je prends l'article là, mais tu prends l'autre article là, si tu m'arrives, ça pareil. Parce qu'il te racale à écrire pour toi ça. Tu faisais rien, toi. Attention, nous encore, c'est quelque chose matériel qui tombe l'eau, non. Non, c'est un problème qui m'a été aujourd'hui là. Ça qui va dire, mon frère, qu'il est demain qui pourra le dire là. Mais il n'écrit pour moi-même ça. Il n'écrit pour gagner moi ce problème là. Pas tu gagnes personne apporte ça. Pas tu gagnes personne apporte ça. Parmi les rappels qui viennent d'une situation pareille, chers frères et sœurs, c'est Ayat 286 de Sourate Al-Baqarah. Nous finissons avec le commencement. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » Laisse cette ayat la résoudre dans nous. La négation. « Yukallif »« Kallafa yukallifu taklif » La yukallif veut dire pas pour mettre « nafsan » l'eau en naf illa excepté wusraha, excepté ça qu'il est capable de soyer. Vous connaissez qu'il y a la Pédiaou là? Pédiaou comme ça apporte Zodi. Arrête de dire si moi je suis toi, si toi je suis dans mon place ça. Pas exister ça, pareil. Comprends pas exister ça. Si Allah subhanahu wa ta'ala fin ou l'imam sab arrive à sa situation là, qui fait? Faudrait lui capable? Faudrait qu'à Tunisia? Faudrait lui capable de signer ça pour l'Indonésie là. situation qui nous était, ça qu'elle parmi nous. Chers frères, sœurs, pas perdu des temps, Dieu comme ça. Aïe, si toi, tu es dans mon place, dans mon côté, mais ça qui est toi, ça. Ça va nous ça. Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères, sœurs, c'est lui qui nous crée nous. Allah ya'lamu man khalaqa. Il n'y a pas de compte qui nous crée. Nous ne sommes capables de trouver ça. Un devant esprit facile. Mais demain, quand il passe le moment, nous tombons. Oui. Oui. Ou capable de trouver un djimoun, il est capable de faire une causerie, il est capable de faire une khutba, mashallah, tout djimoun se comprend. Mais seulement quand arrive là, pour couper les coups, un animal kurbani, parce que lui veut du bout de loin, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait dans l'île. Il fait dans l'île. Qui fait? Parce qu'il s'est arrivé que tout le monde passe l'eau sur l'ami. C'est tombé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui fait, pas de choix, il est à vous boucher. Non, à fait, il m'a emporté là-bas. Chacun a son responsabilité. Chacun est là. Parfois, nous, quand nous venons, nous. Aïe, au final, imam. Après, il va faire aujourd'hui, soit disant, qui fait? Donc, je vais demander à mon père, imam. Il vient tracas. Il vient tracas. Qui fait? Pourtant, imam, ça, quand les vidéos, on dit, bon, c'est directement y aller. Mais Alain, il choisit, allez, pour y faire ça. Chacun parmi nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit nous, et il a une qualité dans nous, pour nous faire ce travail-là. Pas d'une dire à aujourd'hui, si moi, je tiens docteur, ça veut quitter ça. Donc vite. Que vous changez là? Que vous avez envie de changer au fait? Chers frères, de n'importe quelle situation qui nous était, m'asine bien, faudrait me capable de finir ça. Pour qui? Pour qu'il y ait de moi ça. Si vous avez fini ça, là, tu me donnes ça? Jamais Allah, tu me donnes moi ça. Quand tu te retrouves, moi, comment nous dire, il n'arrive au bout. Mais seulement quand on arrive au bout là, avant qu'il vous tombe, Allah subhanahu wa ta'ala dans les. Chers frères, essayez de vivre, pas de nous la tête. Mais vous direz quoi nous dire avec nous, iman, nos croyances envers Allah. Quand sa difficulté là, le nous, il fait nous passer là-dedans, comment nous trouvons-nous incorrect, vrai, ingressé. Au fait, vous connaissez qu'il est arrivé là, parce que si ça, tu continues là, Allah connaît nous tomber là. Il connaît, lui. Il est dans les Satan. Ça, Allah, ça. Il crée nous, chers frères, il connaît. Donc ça, nous visons bien canaliser nous l'eau là. C'est quoi? C'est pas venir, c'est un guet, hein? Ce premier enfant, hein? Comment allez-vous faire? Mais comment allez-vous faire? Rédien, écoute, comment allez-vous faire? Mais comment allez-vous faire? Finalement, comment allez-vous faire là-dedans? Parce qu'il faut, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait n'importe qui dit, monde passe là-dedans, excepté qu'il est capable? Il est capable de faire, lui. Chers frères, nous prenons un exemple. Quand nous trouvons, disons, pour, de Somalie, ben, un pays à manger, je vais manger des distances et des distances. Fais manger. Et donc réfléchis, 3 jours, il n'y a pas mangé. Et il mange tout ça là. Moi, la gosse, prends un taxi. Tu veux casse taxi, au moins. Moi, la gosse, hein. Et l'autre, il va arrêter de manger, tu vois. Qui fait? Parce qu'il y a la bonne crème comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, chef frère, il n'y a pas pour mettre aucune situation loin du monde. Excepté ça qu'il est capable. Ça qu'il est capable, tu dis. Pour moi, je me rappelle qu'il dit, chers frères et sœurs, c'est pour un celui qui est dans l'iman, l'iconique qui chaque situation, il arrive d'après sagesse, Allah oui non. Chaque situation, quand il arrive pour un croyant, chers frères et sœurs, il y a du bien pour lui là-dedans. Oui. Aujourd'hui, je suis capable pour moi, une PSI, un enfant, ou bien un enfant, ou pas pour comprendre ça. Ok, dis-moi ça qui m'en veut. Mais seulement, je dis ou bien, si aujourd'hui, une PSI, un enfant, il y a du bien pour vous là-dedans. Ou je dis ça, ça l'est là, ça dit mon là, mais si vous êtes allé, nous sommes allés. J'ai dit comme ça, de ce problème-là, là, de sa situation-là, il y a du bien pour vous là-dedans. Comment tu es capable? Pareil, dis, un petit moment, excuse-toi. Tu crois de Coran, tu crois de parole Allah, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna ma'al usri yusra. Certainement, avec difficulté, mara qui veut dire, avec difficulté, il n'a quoi? Il n'a facilité. C'est tout? Non! Allah subhanahu wa ta'ala redire, tout ensuite, il répète-lui, inna ma'al usri yusra. Certainement, avec chaque difficulté, il n'a une facilité. N. Parole Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est vrai, chers frères et sœurs, ou bien il est fausse? وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا dans sourate 4, sourate Nisa. Qui s'en a plus véridique qui Allah l'a parole? Qui s'en a plus véridique qui Allah l'a dit avant quelque chose? En, ça c'est le Coran. Deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre inna, lui mettre certitude. Oh Allah, mais tes paroles déjà vraies, qui fait une bise mettre certitude? Ne vous croyez? Oh Allah, mais qui fait une ré-répète même ayat après ça? Ça existe, aurait dit même quelque chose. Qui a été vraiment sa robe-là, peut où les mettre l'emphase, qui dans difficulté, et n'a quoi, cher frère? Et n'a pas facilité. Qui a été libre, où les fait nous comprendre ça? Mais seulement nature, insane, l'inhabituel avec facilité. Mais au fait de faciliter la côté, il a difficulté, cher frère. Nous n'aurons de facilité que ça. Au fait, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous crée nous. Quand ça lui donne nous facilité, dans difficulté. Qu'est-ce que le principe qu'on m'a aidé? Qu'est-ce que le principe qu'on m'a aidé? Nous, insan, nous voulons facilité là, comme nous disons, un plateau là. Mais Allah, non. T'as voulu Allah faciliter, il met une difficulté, yandan. Rentre là-dedans, l'os. Qui va nous rendre, nous va rentrer. Si nous voulons faciliter Allah, nous rendons une difficulté là, j'avoue. Nous rendons des difficultés là. Ça, c'est le principe. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand nous trouvons n'importe quelle situation arrive là, nous rappelons ça à ce point-là. Oh Allah, mais si ça difficulté là, venez, là-dedans, il y a facilité là-dedans. Il y a une facilité. Chers frères, pour dire, il est facile. Pour écouter, il est facile. Quand la situation vient, qu'il nous connaît. Quand la cause incroyant, c'est un qui ken qui déquitte chose. Un, il est ça qu'on t'y joue en dans lui. Deuxième, il fréquente ban qui pour rappeler sa ban qui chose ça qui arrive dans la difficulté. Ban di moun qui, comment dire, rentre dans la difficulté pour dire, pas oublier qui nous t'apprend, pas oublier qui nous t'attendait, pas oublier ça yette là. Ban di moun a rappelé. Là, dans ce moment-là, il a fait lui. Là, dans ce moment-là, il reste lui, fait sa face là. Pour moi, ban rappel, chef frère, à n'importe qui moment nous trouvons une position pareille, ou bien plus que ça, nous m'avons une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit, Iza ahabba Allahu abdan, ibtalahu. Quand Allah content un djimoun, qui lui fait au lit? Testez. Il va être aux éclairs. Quand Allah content un kiken, cher frère, qui lui fait? Il testez. Nous, insan, quand nous comptons un kiken qui nous fait, nous enlève toute difficulté devant lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il compte un kiken qui lui fait, il met difficulté devant lui. On trouve différence, pas vivre une différence qui vient. Entre quand Allah content avec quand insan content. Insan quand il content, pas vous aimez cette histoire là. C'est insan quand content ça. Allah quand il content, comment te descendre même, il fait ta glisser, casse du pied. Il y a des gens qui vont l'esprit. Ça, c'est content, ça. Mais Dieu, qui est sa croyant là, qui est celui qui est dans l'iman là, comment il vit le principe de la vie de ce 24-7? Différent avec un autre. Différent avec un autre. Parce que quand il gagne sa couleur, qu'il lui rappelle lui-même, ça, il faut dire à l'un ou l'autre. Là, moi, j'ai difficulté là. Ça, il avait des témoins, ça. Non, moi, passez-moi. Oui, chef. Moi, vous passez-moi qui fait. Parce que quand nous disons, j'ai dit, chaque difficulté qui vient là au nom, quand nous trouvons, nous ne pouvons pas se battre la nuit, nous trouvons, nous, on dirait de tracas demain qui vont vous faire. Dites moi qui connais ça. Moi qui connais combien la nuit je peux passer. Dis-moi, pas connaît ça. Mais Allah connaît, oui, non. Allah connaît. Mais qui fait, ou Allah, tu peux faire passer la nuit. Vous connaissez qui fait? Parce que ça, les enfants font cela quand il y a le composé. Ça, les enfants font cela quand il y a le composé, cela n'est pas en place. Qui fait dans l'examen? Qui l'a souhaité? Il doit faire, s'il vous plaît. Il doit faire cela. T'as même les enfants quand il y a le sixième. Zis, il commence à trouver l'eau radio, dans la radio, il commence à trouver l'eau la gazette. Dans un mois, c'est fait. Ça, il commence à jouer dans l'eau. Il doit sixième, là. Hein? Comment il saute l'examen? Il vient, quoi ton travail? Les enfants là sont sixièmes, l'autre, oui, non. T'as même les enfants quand ils rentrent de paume 5. Mais seulement nous arrêtons là même quand ils rentrent de forme 5. Quand ils rentrent de forme 5, quand ils guettent un enfant 6e, comment ils guettent lui? Ils guettent un enfant 6e là, comment dire, même niveau avec lui? Bien, ah, 6e là, qui était bien composé, ça. Ça n'a rien du tout. De forme 5, de forme 5. de te dire par les banques qui des chercher que toi comment seulement. Qui nous convoque pour ça cher frère, c'est tant que enfants là peut remonter. L'examen là est plus difficile oui non. Et lui il pensait qu'on y peut composer ça même plus grand l'examen qui est là. Ça que difficulté qui nous gagne. Cher frère, c'est une difficulté plus forte que ça. Il a une difficulté plus haute que ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut monter, il faut monter. Qui fait? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait ouler certificat la vie, il plus haut. La cause, l'examen a monté. La cause, par quoi que les enfants finissent là, à l'arrêt de tester. Non! Qu'il faut aller dans le cours 6-7 mois pour lui continuer à imaginer ça, les traumatiser. Qui fera? Mais alors c'est au principe ça. Quand il finit de donner un papier, il amène le deuxième papier, le troisième papier, qui fait? Parce qu'il dit où les mondes, certificat, ça dit monde. Chers frères, chers parmi les bonnes fois qui nous amène comme rappel, étant donné qu'il nous trouve une occasion pareille devant nous, c'est comment nous finir dire, il n'a non ni qui arrivé, excepté Allah subhanahu wa ta'ala où il est du pied là-dedans. Quand on se dit nous là, qui dit soit pour nous soit là, nous namaz, qui dit soit pour namaz anaza qui nous venait, qui dit soit pour nous laissons, au fait, qui fait nous faire ça? Ou bien moi, comment pour nous gagner la connaissance, pour nous gagner le savoir, bien, bon, continue. Vous connaissez à la fin, l'eau qui vous a venu, ou vous avez l'eau N quelque chose qui divise en D. Parmi ben, objectif principal, comme on peut dire, divise en deux, c'est, je vais faire tout ça là, l'eau, la terre, 10 pour Allah, sauve-moi avec différents l'enfer, mon rendez-vous de la Jannah. C'est tout. C'est 10 pour gagner sa certificat là. Ok? C'est pour ça que nous vous trouvons, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il cause concernant Jannah, il n'est pas cause Jannah directement. Il dit, Faman zouk ziharaninan, wa utrila Jannah tafakot faj. C'est lui qui sape avec Dieu fait l'enfer et il rentre dans Jannah. C'est lui qui ne réussit pas. Tafakot faj, c'est lui qui fait la réussite. Dès qu'il chose, faudrait qu'il sape avec Dieu fait l'enfer et il rentre dans, et il rentre dans Jannah. Mais il n'est pas pareil ça. Jamais il est pareil. Jamais il est pareil. C'est pour ça que nous avons le hadith Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qu'on fait nous connaître, qui quand un croyant il rentre dans ma zid, il fait des rakat et assisé, ben ange vient dire Allahumma firhu wa arhamhu. Ou Allah pardonne ni gain pitié pour lui. Qui différence il fait? Différence qu'il fait, chers frères et sœurs, c'est qu'un dimoun qui gagne pardon Allah, c'est un dimoun qui ne s'appelle avec qui fait l'enfer. Mais dès qu'il fait un péché, mais pas avec Jenning et Jannah. Pas avec Jenning et Jannah. Comprends ça bien. Un dimoun qui ne sape avec qui fait l'enfer, pas fait dire n'y a djanna. Mais, à l'un pardonné, ça veut dire qu'il peut rentrer dans l'enfer. Mais, il y a une autre question pour lui rendre dans djanna. Qui lui disait? Hadith Aisha radiallahu anha. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, pays n'a aucun dimoun qui peut rentrer dans djanna, excepté par Rahmatallah. C'est ça, chef. Excepté par Rahmatallah. C'est madame de l'Ya Rasulallah, toi. Toi. Oh Muhammad, toi. C'est lui qui a l'appli content. Dites ça, madame, je dis. Moi, si je viens rahmatallah, je vais vous dire. Ya Rasulallah, si toi, tu viens rahmatallah, quand tu m'aides, chef. Quand tu m'aides. Dès là, je viens comprendre qui fait. Saban Anjab, il dit Allahumma firhu wa arhamhu. Voilà, pardonne-moi, et gain pitié pour lui. Qui fait avant de nous faire salam dans Namaz? Qui nous lire? Warhamni, voilà, gain pitié pour moi. Pourtant, commencement qui m'ont demandé, Allahumma inni zalamtu nafsi, zulman kathira, nous ne demandons pas de farfirli, mafiratan, nous ne demandons ni pardon. Ensuite, qui nous dit, Warhamni, dès qu'il y a des choses différentes, nous gagnons pardon, Allah ne nous a fait avec l'enfer, mais nous ne pouvons pas gagner Jannah. Ça, c'est le but d'un croyant, pour lui gagner Jannah, il s'appelle avec l'enfer pour lui rendre dans. Pour les rendre de Jannah. Qui fait nous expliquer ça, chers frères et sœurs? Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois parmi le moment qu'il fait une adresse avec ce bon compagnon, quand il dit, paix n'a personne parmi eux, qui trois enfants fait une mot pour lui, en bas l'âge de la puberté, excepté qu'il s'avine comme un parda. Un boyer pour lui avec différents enfer. Dans notre hadith, explique-lui. Dans notre hadith, nous dit bien, dans notre hadith, explique ça. Ces bonnes enfants qui finissent mot en bas de l'âge de la puberté, qu'on arrive jour qu'il y a un jour qui est levé, je t'ai à côté de l'enfer. Ban les autres pour dire, mais quand je peux aller, ils viennent nous faire là-bas, attention, nous parents prendre sa direction. Ça dit ça clair. Attention, nous parents prendre sa direction. Nous retournons avec nos premiers hadiths. Premier hadith, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, paye une personne qui a trois enfants pour lui, mort en bas l'âge de la puberté, excepté qu'il s'en vienne boire, qu'on dit fait l'enfer. Un sahaba dit, ya Rasulallah, bécisis dit. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, que tu vas comprendre, dit, paye une personne parmi eux, qui dit, parmi ce ban d'enfants, qui mort en bas l'âge de la puberté, excepté qu'il s'en vienne boire, pour lui compte. J'y vais l'enfer. Chers frères et sœurs, un Zahaba dit, le tibou dit mani, un, ne connaît le tibou djenou, le tibou djenou. Mais un, si nous dit mani là, lui dire oui. Et dans l'autre riwaya, l'autre version, ça même hadith, un Zahaba dit, ya Rasulallah, mais si mon un seul enfant est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oui, même un seul enfant. Un enfant. En bas l'âge de la puberté. Chers frères et sœurs, qui nous vient de ce que ça fait? Nous prenons lit comme ça dans le langage créole. Pour moi, il oui non. Mais qui fait les grandes récompenses qui viennent là? Ces enfants-là mènent tous les deux, oui non. Ils amènent tous les deux, chers frères. Les vins, un boyer qu'on dit fait l'enfer, et les vins, ça. Simé, qui amène des gens là. Ça ne veut dire qu'il nous a souhaité nos enfants pour moi, c'est-à-dire. Non, mais seulement s'il n'arrive l'action. Alhamdulillah. Voilà que nous lisons. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, quand Malik al-Maut montait, nous prenons l'île aux enfants là. Quand Malik al-Maut montait, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala compte tout, il dit comme ça, quand tu sautes, il dit, oh Allah, mon tir, un tel sur la vie. Il dit, mais vous servitez ces enfants là. Il dit, oui. Il dit, mais qui l'indire? Il dit, mais alhamdulillah. Tu es l'autre, Allah. Quand on tient sur la vie, qui l'indique? Il dit l'indique, Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, ce ban ange kumha, arrange en la case pour l'île de Jannah. Wa samma lahu baytul hamd. Appelle-lui la case des éloges. En la case de Jannah. Je dis bien, nous ne souhaitons pas nos enfants morts. Mais seulement, j'ai apprécié, mais si ban action n'est fini arriver. Mais qui plus bénéfice encore là? Vous connaissez ça? Si un enfant mort, un qui qu'un vini dire comme ça, allez prendre par chambre, on arrange toute la case de Floréal. Bon, vous m'avez eu même. Ok, comment vous déménagez? Vous voulez un autre des hommes pleurer? Apporte point de maman, hein? Nous disons bien, apporte point de maman. Nous, Ban Michel, nous connaissons bien un peu notre situation. Point de maman, nous continuons à donner ses enfants. Lui. Mais, comment vous déménagez au plus vite? Il est mort là. Parce que, pour nous gagner la case, une place qui nous trouve. Mais qui place capable, plus confortable que Jenna? Elle n'a qu'à là-bas. À travers les enfants qui finissent mort. À travers elle, les enfants qui finissent mort. Et pour nous terminer, pour aujourd'hui, chers frères et sœurs, et Inch'Allah, comme nous finissons l'autre semaine, nous continuons, nous laissons, veut dire parmi les points qui nous peuvent arriver, c'est ban action qui est déjà continuée, et ensuite nous venons directement avec la descente de Isa al-Salam. Mais dernier parmi les rappels qui est avec nous, c'est ça qu'on appelle At-Tarziya. Qui veut dire At-Tarziya? Rizza nous capable de traduire l'honneur, ou bien Rizza veut dire réconfort. At-Tarziya, c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est quand un dimoun, principalement, quand finina un l'amour côté lui, nous ajoutons lui, nous disons lui une parole pour réconfort lui. Chers frères et sœurs, il faut partir de nous dire. Même pour nous, une madame qui là-haut, il faut partir de nous dire, nous ajoutons ça, c'est là, pour nous joindre l'imam ça, qui nous vous dit à lire? Mais, bonne parole qui, alhamdulillah, nous fait tendre. Nous fait lire très tard. Sa bonne récompense qui, inattaché qu'on arrive dans sa situation-là. Nous allons nous saluer toi, imam ça. Nous saluer toi. Il me finit d'arriver, imam ça. Nous n'avons pas de sens, rien. Mais, vous devez bien seulement où. Nous dit à lire bonne parole qui, vraiment, il sentit, Allah subhanahu wa ta'ala choisit à lire. Pour arriver ça. Comment nous connaissons ça, chers frères et sœurs? C'est après une bataille. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin demande sur mon compagnon et Jafar côté, bana fin jali, Jafar radiallahu an, fin mot de sa bataille là. Tout de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin allait, et il fin ajoint la famille Jafar, et il comment il allait, quand bana fin demande Jafar côté, Comment madame Jafar radiyallahu anha lui-même lui dit comment on trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam bini il dit mon fini connaît mon miché il mou mais seulement mon dimanni lui dit avec ce bon enfant certainement je suis papa de Jannah. Et sa parole là parce que ce papa il mou shahid lui réconforte à la famille là lui réconforte ça à la famille là d'une situation pareille. Oui chers frères et sœurs, il faut me partir dans nous dire qui quand arrive un mayat même si n'arrive nous pas de récit atteint la manjanaza le lendemain l'ilo trois jours nous j'ai bien l'ilo trois jours qui dit soit miché ou bien madame nous vienne la personne nous dit les bonnes paroles qui pour amener une tranquillité dans lui qui pour amener un réconfort afin qu'il y continue l'osso iman pour dire les bonnes petites choses qui soit Allah subhanahu wa ta'ala fin dire avant de chercher pareil ou bien ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant une situation pareille. Ça, c'était juste un rappel, chers frères et sœurs, en attendant que nos frères Mokhtar Foudjano qui n'arrivaient, mais comment nous finir dire, c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin décider, et pour un croyant, Allah subhanahu wa ta'ala, comme un hadith à Djanou, la qaddarallahu lil mu'min illa khayra, Allah subhanahu wa ta'ala, pas un décret, non, il n'y a pour un croyant, excepté ça qui du bien. Excepté ta qui du bien. Inch'Allah, l'autre semaine, nous continuons les sons. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.